Émergeant de la brume électronique. La voix, moi. Salut, c'est Julie. Vous écoutez une nouvelle session de Danger and Cuts. Après premier contact, après ni Dieu ni maître. Voici Carl Sagan. Carl Sagan, astronome et scientifique vulgarisateur, a écrit le roman Contact, qui met en scène une jeune astronome participant au programme de recherche de vie extraterrestre SETI. En 1997, Robert Zemeckis en a fait une adaptation pour le cinéma pas très bonne, avec Jodie Foster dans le rôle titre. Contact le roman fait partie des influences du producteur de cette émission, Mitrom the Metronome. Et puisqu'on parle d'astronomie, le cerveau humain est un univers en soi. Il possède 86 milliards de neurones. Tous ces neurones forment un vaste réseau interconnecté. Dans un centimètre cube de cerveau humain, on dénombre pas moins de 10 000 milliards de synapses ou connexions nerveuses. Autant de connexions nerveuses nécessaires à la compréhension du programme qui va suivre. This world is tearing us apart. Your future is looking darker every day. Machine is replacing you. And it's a matter of time before it realizes you cannot do anything to stop it. What the f- Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. À cause de fréquents accidents sonores, le port du casque est recommandé. Just like crazy.

Holy des crash copy. Écoutez Pulsar, le soir, comme par hasard. Un hyper mix de musique d'Ojin, avec aux machines Nitrom The Metronome. Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Pulsar. Les étoiles en plus. creates the most beautiful, ugly sound in the world. One, two, try again. One, two, rhythm now ready. Come the roses. Yeah, baby. 人間界がどんなものなのかを知るためには十分な時間を過ごした。だから元の世界に戻ってきた。でもあの人たちはいつやってくるの？この場所であの人たちと再会したい。美しい天使として私たちの世界が交差するときはいつ来るのだろう。 is a piece of a vast diamond that do not shine. It is something that exists across the event horizon. If it can eavesdrop on our pilgrim breath and collapse the daylight in which it appears, does someone have not noticed forever? Someone who has gone to the backside daylight in which it appears. The regular access to which it Danger and Cuts. It's the most beautiful, ugly sound in the world. Are you ready? I'm not going to be able to do it.

voilà, nous sommes arrivés au bout de l'émission. C'est fini pour aujourd'hui. Nitron the Métronome et moi-même espérons que cette balade à 160 BPM et plus 6 affinités dans son chaosmos neuronal vous a plu. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau tour de montagne russe émotionnelle au son des productions indées du pays où la floraison des cerisiers est une affaire prise très au sérieux. Nous sommes les faiseuses de musique et nous sommes les rêveuses de la rêve. Danger and Cuts. Out.